Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Thura ana ahseb akken d yiwen ḥacama l-11. Yiwen. D sin. Tlata. Rebɛa. Xemsa. Setta. Sebɛa. Tmanya. Tesɛa. Ɛecṛa. Ḥdac. Yiwen. D sin. Tlata. Rebɛa. Xemsa. Setta. Sebɛa. Tmanya. Tesɛa. Ɛecṛa. Ḥdac. Yiwen. D sin. Tlata. Rebɛa. Xemsa. Setta. Sebɛa. Tmanya. Tesɛa. Ɛecṛa. Ḥdac. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Adnini akin ussan n semana. Tnayen. Tlata. Rebɛa. Lexmis. Ljemɛa. Ssebt. Lḥedd. Tnayen. Tlata. Rebɛa. Lexmis. Ljemɛa. Ssebt. Lḥedd. Tnayen. Tlata. Rebɛa. Lexmis. Ljemɛa. Ssebt. Lḥedd. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Frula annini akken nchhur usgwas. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.